Attention à la confusion. Les boissons énergisantes ne sont pas des boissons énergétiques de l'effort. La présence d'excitants tels que la caféine à taux élevé peuvent induire sur l'organisme des effets secondaires comme hypertension, troubles du rythme cardiaque, etc. En aucun cas, une boisson énergisante ne peut réduire le taux d'alcool dans le sang ni réduire les effets de l'alcool. Tout au mieux, elles permettront de tenir en éveil, mais pas dans une bonne forme. Réponse B et D.